Section 55 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La lecture, tome 7e. Section 55. Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages, par Adolphe Burdeau. Chapitre 8. M'Tesa en guerre. La mobilisation en pays nègre. Une armée superbe. Combats, victoires et revers. Le cheval de Troie. En route pour le Mutanzige. Défection. L'intention de Stanley était de se rendre sans retard à un lac qu'on lui avait enseigné à l'ouest du Nyanza, au lac Mutanzige, dont il voulait faire l'exploration à l'effet de découvrir si quelque rivière ne fait pas communiquer ce lac à l'Albert Nyanza, hypothèse qui n'est pas encore résolue aujourd'hui. Elle a pourtant une importance capitale, car si, comme le disent les Arabes, cette communication existe par la rivière Rouge, alors le Mutanzige serait, en fait, une des sources du Nil, celle que Ptolémée indiquait sur sa carte sous le nom de Palus Occidentalis Nili. Mais quand l'explorateur fit part de son projet à M'Tesa, en lui demandant des guides et une escorte, celui-ci répondit que la chose était impossible pour le moment, car il venait d'entrer en guerre contre les habitants de Louvouma, qui se révoltaient, refusaient le tribut, dévastaient la côte et pillaient tous les environs. Or, dans l'Ouganda, il n'est pas d'usage de permettre aux voyageurs de continuer leur route alors que l'empereur est en campagne. Il ajouta toutefois qu'aussitôt la guerre terminée, il mettrait volontiers à la disposition de Stanley autant de guerriers qu'il le désirerait pour atteindre le Mutanzige. Devant cette assurance, l'explorateur prit le parti d'attendre la fin des hostilités, et entre-temps il résolut d'assister aux opérations guerrières qui commençaient à s'ouvrir, afin de compléter l'étude intéressante qu'il faisait de M'Tesa et de son peuple. L'empereur avait appelé sous les armes 150 000 hommes, auxquels s'ajoutaient 50 000 femmes et autant d'enfants, ce qui portait à 250 000 le nombre de personnes que renfermait à ce moment-là le camp impérial. Ce fut un spectacle inoubliable que le défilé de cette puissante armée nègre. En tête se présente avec sa légion le général qui garde la frontière de l'Unioro. C'est un homme jeune et robuste, fortement charpenté, et brave comme un lion. Il a une grande expérience de la guerre, sait la conduire avec adresse, est passé maître dans le maniement de la lance, et possède toutes les qualités d'un excellent soldat. Il a sous ses ordres 30 000 personnes, tant guerriers que gens de suite, et le chemin qui la veille n'était qu'un simple sentier de chèvres, après le passage de cette légion lancée au pas de course, est devenu une large avenue. Tous les chefs, même ceux qui professent l'islamisme, gardent leurs peintures de guerre et leurs fétiches nationaux. Chacun est affreusement barbouillé d'ocre rouge et de terre de pipe. Vient ensuite le vieux Kangaou, qui défend le pays voisin du Nil. Bannières au vent, tambours battant, cornets soufflant, il défile fièrement avec ses guerriers, tous dépouillés de leurs vêtements habituels, et le corps et la face badigeonnés de blanc, de noir et de rouge. Après eux passent 2 000 hommes d'élite, au corps souple, aux pieds agiles, à la haute stature, experts dans le maniement des armes. Ils font sonner leurs poignées de lance et jettent en courant leurs farouches cris de guerre. Derrière eux arrivent d'un pas rapide les gardes du corps armés de fusils, 200 en avant, 100 de chaque côté de la route, 200 en arrière. Ils entourent l'empereur et son vizir, enseignes déployées, tambours et trompes sonnant, et forment un cortège d'aspect imposant. M'Tesa est à pied, tête nue. Il porte un vêtement d'étoffe bleue à carreaux, fixé à la taille par un ceinturon noir, comme les empereurs romains, qui pour le triomphe se peignaient le visage en vermillon. M'Tesa a la face teinte d'un rouge éclatant. Son vizir, vêtu d'une belle robe de cachemire gris foncé, marche devant lui. Et il est à présumer que cet accoutrement, de même que la préséance accordée au vizir, ont pour but de déjouer les complots de quiconque s'embusquerait dans le fourré pour attenter à la vie de l'empereur. Tout n'est pas rose là-bas dans le métier de premier ministre. Après les gardes du corps, les légions se succèdent, chefs en tête, chacune se distinguant par sa batterie de tambour particulière, reconnaissable pour des oreilles indigènes. Elle passe d'une allure extrêmement vite, plutôt comme des soldats courant au feu que comme des troupes en marche. C'est du reste l'habitude des nègres en campagne de toujours marcher au pas gymnastique. Le défilé durait depuis 2 heures quand arriva la maison royale. Les jeunes princes et les femmes de M'Tesa, celles-ci au nombre de près de 5 000, mais il n'y en a guère plus de 500 qui puissent être considérées comme ses concubines. Les autres sont chargées du service. En pareille matière, les goûts de M'Tesa semblent différer largement de ceux des Européens. Parmi ces 500 femmes, il n'y en avait pas plus de 20 qui fussent dignes d'un regard d'admiration de la part d'un blanc, quelque peu expert en beauté, et certainement pas plus de 3 qui valussent de nombreux coups d'œil. Celles-ci avaient le teint des Carteronnes, le nez droit, les lèvres minces et de grands yeux brillants. Sous le rapport de la taille et des autres grâces féminines, elles étaient parfaites, droites comme des palmiers et belles comme des lunes. Elles n'avaient qu'un défaut, leur chevelure, celle de la race nègre, cheveux courts et crépus. Sur tous les autres points, elle représentait certainement, dans toute sa perfection, la beauté féminine de l'Afrique centrale. Toutefois, M'Tesa ne les trouve pas supérieures, ou même égales, à ces femmes bien en chair, aux corps onctueux, aux nez aplatis. Chez les nègres, comme chez les pays d'Orient, l'embonpoint, voire l'obésité, est un élément de beauté. Le harem de M'Tesa était précédé et suivi de 1 000 lances, après quoi venait l'oncle du monarque avec tout son train de maison. Un vrai Salomon, celui-là, en raison de la multitude de ses femmes légitimes et autres. Mais on affirme que chez lui, ce n'est là qu'une simple spéculation. On sait en effet qu'en Afrique, toute femme a sa valeur marchande. C'est un placement qu'on échange à volonté contre des marchandises de toutes sortes, bestiaux, étoffes, grains de verre ou fusils. Quand l'armée proprement dite eut défilé, de tous côtés on vit encore accourir d'autres légions, celles des vassaux, des alliés, qui grossirent les rangs de cette multitude guerrière. On eût dit d'une marée vivante dont les flots pressés se déroulaient et s'enflaient toujours. Au coucher du soleil, les troupes se trouvèrent confortablement établies dans 30 000 huttes de forme cintrée, parmi lesquelles s'élevaient deçà et delà de grandes toitures coniques indiquant les demeures des chefs. Quant à Stanley, M'Tesa lui avait fait construire plusieurs habitations près de la grande avenue qui menait à son quartier général. Cette mobilisation s'était effectuée dans tous ses détails comme par un enchantement magique. Les forces ennemies étaient massées dans l'île d'Ingira. Leur objectif était de forcer les gens de M'Tesa à livrer un combat naval, et cette tactique ne laissait pas que d'être habile, car tandis que les Vuavuma sont d'excellents marins, les guerriers de l'Ouganda ne se battent pas bien sur l'eau. Néanmoins, le plan de bataille de M'Tesa consistait à s'emparer de l'île d'Ingira. Sa flottille, mouillée au pied du camp, comptait 325 canots de diverses tailles, les grands au nombre de 100 exigeaient 50 rameurs, les autres 40 et 20. De plus, chaque embarcation portait un nombre de guerriers au moins égal au chiffre de l'équipage. Les premiers engagements furent désastreux pour les armes de M'Tesa. Avec leurs canots effilés, les Vuavuma s'élançaient comme des crocodiles sur la flotte des Vuaganda et leur capturaient journellement des bateaux en leur tuant beaucoup de monde. M'Tesa était furieux. Il demanda conseil à Stanley. Celui-ci lui suggéra l'idée de faire une chaussée jusqu'à l'île, ce qui était réalisable quand on dispose d'un nombre d'hommes aussi considérable. Le travail fut commencé. On combla par des pierres et des troncs d'arbres une 60aine de brasses, puis, l'attrait de la nouveauté passé, l'activité se ralentit et l'œuvre resta inachevée. M'Tesa dépêcha alors des ambassadeurs au Vuavuma pour leur proposer des conditions de paix. Mais les ennemis coupèrent la tête aux envoyés du roi et de leur île narguèrent sa fureur. C'est à ce moment-là que Stanley inventa pour M'Tesa le triple canot qui fit sur les Vuavuma l'effet du cheval de Troie. Il relia, à l'aide de perches et de fascines, 3 des plus grandes pirogues et construisit ainsi une machine mystérieuse, renfermant dans ses flancs 200 hommes invisibles et qui se mouvaient sans que l'on pût comprendre comment. Ce fortin ambulant était capable de résister aux plus furieux assauts de gens armés de lances. Mais il devait surtout répandre dans les rangs ennemis une salutaire panique. C'est ce qui eut lieu. Les Vuavuma épouvantés tinrent conseil. Ils se dirent que cette masse énorme, telle que jamais on en avait vu pareille sur le lac, devait évidemment renfermer quelque chose de diabolique, et que sans doute les esprits se déclaraient en faveur de M'Tesa. Dès lors, les affaires de celui-ci prirent une excellente tournure, et disposés à faire leur soumission à condition que le monstre naval se retirerait sans leur causer de dommages, les Vouavouma envoyèrent à leur suzerain le tribut qu'ils lui devaient. La guerre se termina de la sorte, et les deux armées reprirent le chemin de leur foyer. De retour dans la capitale, Stanley rappela à M'Tesa la promesse qu'il lui avait faite d'une escorte pour atteindre le lac Mutanzige. Le roi consentit alors au départ de l'explorateur et l'autorisa à choisir parmi les chefs de l'Ouganda celui qu'il désirait avoir pour commander cette escorte. Stanley choisit un jeune général dont il avait remarqué la bravoure au siège d'Ingira et qui devait emmener avec lui sa légion forte de 2 à 3 000 lances, chiffre plus que suffisant pour briser les obstacles que le roi d'Uniro, alors en guerre avec Gordon Pacha, pourrait susciter à l'expédition. Ce général s'appelait Stambouzi. C'était un jeune homme d'une 30aine d'années qui, de l'avis de tous, devait répondre à la confiance de l'homme blanc. Toutefois, sur la demande de Stanley, M'Tesa appela devant lui le futur commandant et lui tint ce langage. « Mon hôte se rend au Mutanzige. Il m'a demandé de vous donner le commandement de sa garde. » À présent, écoutez. Tout ce que vous dira l'homme blanc devra être considéré comme ma propre parole. Et si vous revenez sans une lettre de lui, vous mourrez. J'ai dit. C'est en cette occurrence que la duplicité, la diplomatie africaine, se manifestèrent dans tout leur éclat. Humble et soumis devant son empereur, plein de prévenances envers Stanley aussi longtemps qu'on fut dans l'Ouganda, Stambouzi ne tarda pas à devenir plus loin arrogant, autoritaire, intraitable, et par-dessus tout lâche et poltron. Dès les premiers jours de la marche, prenant les airs et la place de son roi, il affecta de tenir sa cour, son bourza, recevant Stanley comme lui fait M'Tesa lui-même. L'explorateur n'attacha pas d'importance à ces petites manifestations d'une vanité que l'on découvrirait peut-être chez les Blancs, tout comme il la rencontra chez ce noir. Mais lorsqu'on arriva au but du voyage, au Mutanzige, cette attitude eut une toute autre gravité. J'ai omis de dire que pour arriver à ce lac, il fallait traverser le fameux pays d'Uniro. Les lecteurs remarqueront que ce nom reviendra plus loin, quand il sera question de l'expédition de Stanley au secours des mines Pacha. C'est en effet ce peuple d'Uniro qui, aujourd'hui comme alors, s'oppose par tous les moyens possibles à l'arrivée des étrangers sur son territoire, ne leur permettant même pas de fouler son sol pour étudier les régions voisines. Toutefois, la forte escorte qui protégeait Stanley enraya le mal. Aucune attaque ne se produisit pendant la marche. Mais les indigènes avaient quitté le pays, les demeures étaient vides, les greniers sans vivres, les puits sans eau, et l'hostilité se manifestait ainsi de la plus éloquente manière. Enfin, l'on arriva au lac. Mais là, de nouvelles difficultés surgirent. Et bien que la contrée ne fît pas, à proprement parler, partie de l'Uniro, aux paroles de paix que leur adressa Stanley, les indigènes firent la réponse suivante. « Notre pays n'a pas l'habitude de recevoir des étrangers. La venue de votre expédition nous déplaît. Nous sommes les vassaux dévoués du roi d'Uniro, qui est en guerre contre les hommes blancs, contre Gordon Pacha et contre les Égyptiens. Comment osez-vous venir dans ce royaume en espérant y trouver la paix? Vos paroles sont mielleuses, mais à vos intentions nous ne croyons pas. Attendez-vous à être attaqué demain. » Cette fière déclaration de guerre jeta le trouble dans les esprits et Stambouzi réunit un conseil suprême dans lequel les chefs décidèrent à l'unanimité que la colonne devait absolument revenir sur ses pas. D'autre part, les envoyés de Stanley lui firent le rapport suivant au sujet de la possibilité d'affronter les eaux du lac. À la première escale, la hauteur de la falaise est de 50 pieds, et sans des cordes très longues et très solides, il sera difficile de faire descendre au bateau cet escarpement. Les indigènes, au retour de leur marché, hissent jusqu'en haut leur sac de sel, enveloppé de peau de bœuf. Il n'est donc pas possible à un homme de monter ou de descendre la muraille avec une charge sur le dos, ses deux mains lui étant nécessaires pour se retenir ou pour grimper. Enfin, sur les bords du lac, on ne trouve que de faibles canots de pêche, incapables de transporter l'expédition. Ces nouvelles, jointes à l'annonce d'un combat imminent, donnèrent aux gens de la caravane la fièvre du départ. Néanmoins, Stanley lutta énergiquement contre la décision de Stambouzi et des autres chefs de l'Ouganda, et il les menaça de la colère de M'Tesa s'ils ne le suivaient point. Rien n'y fit. Le lendemain matin, les tambours sonnèrent le départ et l'on battit en retraite. L'expédition de Stanley fut forcée de suivre les gens de Stambouzi, mais aussitôt qu'on eut quitté le pays de l'Unioro, où l'on courait risque d'être attaqué, l'explorateur se sépara de cette cohorte déloyale qui lui avait fait manquer son voyage au Mutanzige. Il se dirigea vers le Nil Alexandra, où il allait faire la rencontre d'un autre potentat, bien étrange aussi, le bon roi Roumanika. Quant à Stambouzi, il n'osa point se représenter devant M'Tesa, et il eut raison. Lorsque l'empereur apprit sa forfaiture, il entra dans une violente colère. « Voyez, cria-t-il, à quel point je suis couvert de honte aux yeux des hommes blancs. Une première fois, Magassa, mon chef de la marine, a abandonné mon hôte sur les eaux du lac, le laissant à la merci de nos ennemis, les gens de Bambiré. Aujourd'hui, c'est Stambouzi qui fuit lâchement devant les guerriers de l'Unioro, nos éternels adversaires. » Puis, les yeux chargés d'éclairs, il ordonna au chef de sa garde de lui amener Stambouzi enchaîné. Ce qui fut fait. Et dégradé, disgracié, avili, le général termina ses jours dans un affreux cachot. M'Tesa fit ensuite écrire à Stanley de revenir, lui promettant toute une armée s'il le voulait. Mais l'explorateur avait d'autres plans. Il adressa au grand empereur de l'Ouganda de chaleureux remerciements, mais là se bornèrent ses rapports nouveaux avec lui. Dorénavant, son expédition n'allait plus être soumise qu'à sa seule volonté. Et il se promit bien de ne plus assujettir sa personne, son temps ou ses projets, aux caprices, à la puissance ou à la faveur d'aucun potentat, quel qu'il fût. Fin de la section 55.